Ma Jeanne, dont je suis doucement insensé, étant femme, se sent reine. Tout l'ABC des femmes, c'est d'avoir des bras blancs, d'être belle, de courber d'un regard les fronts les plus rebelles, de savoir avec rien, des bouquets, des chiffons, un sourire, éblouir les cœurs les plus profonds, d'être, à côté de l'homme ingrat, triste et morose, douce, plus que l'azur, rose, plus que la rose. Jeanne le sait. Elle a 3 ans. C'est l'âge mûr. Rien ne lui manque. Elle est la fleur de mon vieux mur, ma contemplation, mon parfum, mon ivresse. Ma strophe, qui près d'elle a l'air d'une pauvresse, l'implore et reçoit d'elle un rayon. Et l'enfant sait déjà se parer d'un chapeau triomphant, de beaux souliers vermeils, d'une robe étonnante. Elle a des mouvements de mouche frissonnante. Elle est femme, montrant ses rubans bleus ou verts, et sa fraîche toilette, et son âme au travers. Elle est de droit céleste, et par devoir jolie, et son commencement de règne est ma folie.